Donc, à la fin de ce résumé très impressionnant, qui avait commencé par évoquer justement le critère de visibilité internationale, j'aurais voulu justement qu'on parle un petit peu plus de l'international. Et vous avez évoqué au détour d'une demi-phrase, c'est un peu dommage, le modèle londonien. Il existe aussi sur le modèle de regroupement universitaire, comme vous savez probablement mieux que moi, donc cette affaire anglaise de ce qu'on appelle, je crois, le Warwick, je crois que c'est le Warwick Group, en tout cas dans lequel on a réussi, disons de façon assez étonnante, à réunir sur le modèle un petit peu du Ivy League américain toute une série d'universités qu'on aurait considérées comme d'excellence, genre Oxford, Cambridge, Warwick, etc. Donc, est-ce que, disons, on peut se demander si ça a apporté quoi que ce soit ? D'abord, il me semble que la visibilité internationale de Oxford n'en sort en rien renforcée, mais disons, autre critère, et là on ne l'a pas évoqué, mais c'est quelque chose de très important, même si nous connaissons le caractère creux de l'argument, c'est ce célèbre classement de Shanghai qui n'existe apparemment qu'en France. Nous, japonisants ou sinologues, nous savons parfaitement qu'il n'est pas évoqué, disons, en Extrême-Orient. Alors, on peut se demander, il n'est pas évoqué à Londres ou aux États-Unis non plus, donc il n'existe que quelque part dans une sorte de machine à produire des théories justement de nos gouvernants. Donc si on pourrait éventuellement arriver à désamorcer, à donner des arguments clairs, visibles contre le classement de Shanghai, on ferait à mon avis un pas positif vers justement le démantèlement des arguments pro-commués, etc. Je pense qu'on parle beaucoup de la visibilité des universités en tant qu'entité, mais il faut parler de la visibilité de la science de chaque pays. Moi, je suis mathématicien et je sais que pendant de très longues années, tout en ayant des universités qui n'étaient pas, entre guillemets, visibles, les mathématiques françaises étaient vraiment visibles et dominantes. Et pourquoi ? Parce que la France est là une université de service public. En réalité, on peut dire que les universités françaises sont les sections locales autonomisées d'une chose qui s'appellerait en réalité l'Université de France. Et je dis ça parce que je vois que dans d'autres pays, les gens sont étonnés du fait que nous ayons des salaires équivalents, qu'on soit à Rennes ou à Paris ou à je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, nous faisons partie d'un service public unifié et la question de créer des universités visibles et indépendantes a comme but de casser cette chose-là. Nous deviendrons tous des employés en compétition, avec des salaires et des revenus modulables d'entreprises en concurrence. C'est-à-dire qu'il y a un modèle idéologique encore étranger aux habitudes de notre milieu qui est en train de pénétrer ce milieu comme il essaye de pénétrer tous les secteurs de la vie de ce pays depuis les fameux plans de modernisation et de néolibéralisme. Oui, je suis assez d'accord sur votre analyse sur la finalité et la logique en fait qui fonctionne dans la création des communes. Néanmoins, j'aimerais rajouter quand même un commentaire. Je pense que les presses sont un échec. C'est un véritable échec. Et je me pose même la question de savoir si ce n'est pas un échec voulu, les presses. Voulu par le gouvernement qui les a mises en place. Les IDEX étaient censés rehausser un peu la sauce des presses. Ça a marché en partie, mais ça manquait de logique, notamment de logique territoriale, vu qu'il y a eu énormément de problèmes au moment des IDEX, il ne faut pas l'oublier. Paris avait phagocyté le gros de l'affaire, l'ouest de la France n'avait aucune IDEX, enfin c'était terrifiant. La deuxième vague a été lancée, donc on s'attend à ce que tout le monde soit à peu près servi, la gamelle est grande, donc tout le monde peut manger un peu. Les communes, en fait, c'est face à un système en déséquilibre, ben, c'est une tentative de, non pas le rééquilibrer, mais de le déséquilibrer encore plus, puisque pour moi, la finalité de cette affaire-là, c'est de transformer le statut des universités en d'autres statuts. Vous avez évoqué Dauphine, qui est un grand établissement. Alors, Dauphine a des possibilités énormes sur le plan des droits d'inscription, sur le plan financier. Hein, Dauphine peut ouvrir un livret A, alors que Paris 7 ne peut pas ouvrir de livret A. Voilà. Bon. Alors, évidemment, une université n'ouvre pas un livret A, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de placement financier possible dans le statut des universités. Dans un statut de grand établissement, c'est possible. Et pour pouvoir changer le statut des universités, une solution, c'est de créer des structures qui ne fonctionnent pas. Si la commune ne fonctionne pas, si les communes ne fonctionnent pas, à l'échelle de 5 ans, disons une alternance politique, puisqu'on est rentré dans un système d'alternance, un peu comme aux États-Unis, on voit très bien le prochain ministre dire « Oh, ça ne marche pas les communes, il faut donc quelque chose de différent », et donc des structures du type simplement grand établissement. Alors ma remarque est la suivante, un peu à titre de provocation par ailleurs, c'est « Ne faudrait-il pas fusionner aujourd'hui pour conserver le statut d'université et de manière à éviter cette situation qui va nous conduire, je pense à moyen terme, assez rapidement, à des statuts de grands établissements ou des choses similaires. Est-ce que je dois répondre ? Vous pouvez répondre parce que la proposition a déjà été faite tout oui, à l'heure, effectivement. Le problème, c'est que certains choix deviennent impossibles à un moment donné, mais si je me place dans une perspective historique comme celle que j'ai essayé d'esquisser, moi je répondrais oui. Il me semble qu'il y avait deux possibilités, et encore une fois je le dis, regrouper pour créer plusieurs universités multidisciplinaires dans Paris, et cela implique pour moi la fusion, tout simplement, faire des universités, enfin, prendre deux universités et en faire une, sachant que ce n'était pas très facile d'un point de vue des complémentarités des universités, et donc qu'il fallait probablement produire une sorte de déflagration comme on avait fait en 68, c'est-à-dire donnant une liberté beaucoup plus grande de se regrouper, même en tenant compte d'une partie différente des universités. Une fois qu'on a fait la LRU, tout ça, c'était joué. Hein. On a créé un pouvoir absolu des présidents qui était désormais la courroie de transmission parfaite du pouvoir ministériel. Et il faut bien le dire, nous nous attendions tous en 2009 et nous avions tous peur d'une grande libéralisation à l'américaine de l'université française. Nous n'avons pas eu ça. Hein, aujourd'hui, nous sommes tous en train de défendre l'autonomie, les libertés, etc., parce que nous voyons très bien que derrière la LRU, il y avait un mix de idéologie libérale et de despotisme étatique qui, aujourd'hui, donne ses fruits. Et donc, nous-mêmes, nous sommes tout le temps en train d'osciller dans nos arguments entre des arguments libéraux et des arguments service public. Tout à l'heure, l'intervention de monsieur manifestait, à mon avis, cette hésitation. Peut-être quelques remarques, parce qu'on avait parlé de l'internationalisme ou la dimension internationale qui aurait été à l'origine de cette fusion. La question a été posée sur le modèle de l'université anglaise. Donc, il y a ce qu'on appelle le Russell Group, qui est considéré comme étant le groupe d'excellence. Et le retour qui vient après cette fusion, c'est qu'il y a un grand divorce entre la direction et les usagers, aussi bien au niveau des étudiants qu'au niveau du personnel. Et The Guardian publie des études concernant la dépression. Tout simplement, les gens sont déprimés psychologiquement à tous les niveaux. Et puis, deuxième chose, en ce qui concerne les études même de langue anglaise, à l'université de Londres, il y a ce qu'on appelle Institute of English Studies, et on leur a dit qu'il faut fermer cet institut parce qu'il n'y a pas d'argent et qu'il faut qu'ils se regroupent avec le département de sociologie ou de littérature comparée. Voilà.